Au fait, j'ai voulu te, te téléphoner pour te, te demander allô quelque chose quoi, yeah. Quelque chose quoi, j'en ai assez, elles ne font que m'appeler. Oui, mais moi je vais me fâcher. Oui. Il est bon à la sourde, moi de là. Allô? En fait, j'ai voulu te, te téléphoner. Just quiet.